Chapitre 9e. Charity, assise devant le miroir, essayait un chapeau que Ali Hawes lui avait confectionné en grand secret. Il était de paille blanche, avec un grand bord doublé de soie cerise qui donnait à son teint l'éclat rosé de la belle coquille tropicale sur la cheminée de la salle à manger. Charity avait appuyé son petit miroir contre la vieille Bible reliée en cuir noir de Mrs. Royal, le calant avec une grosse pierre blanche servant de presse-papier, où était peinte à l'huile une vue du pont de Brooklyn. Elle se tenait là, ployant les bords de son chapeau tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, tandis que par-dessus son épaule, le pâle visage d'Ali semblait comme le mélancolique fantôme des bonheurs manqués. « Je suis vraiment trop laide, » dit Charity, avec un petit sourire de triomphe mal dissimulé. Ali sourit aussi et reprit le chapeau. « Je vais vite coudre les roses, de façon à ce que vous puissiez cacher le chapeau tout de suite. » Charity, avec un rire heureux, fit bouffer les doigts ses lourds cheveux sombres. Elle savait combien Harney aimait avoir les frisons reflets d'acajou jouer autour de son front et sur sa nuque. Puis, allant s'asseoir sur son lit, elle contempla d'un œil nonchalant Ali penché sur le chapeau, les sourcils froncés par l'attention qu'elle prêtait à sa tâche. « Dites, Ali, n'avez-vous jamais envie d'aller passer une journée à Nettleton ?» demanda-t-elle brusquement. Ali, sans lever les yeux, fit un signe négatif. « Non, je me souviens toujours de cette horrible visite que j'ai faite avec Julia, chez cette doctoresse. Oh, Ali, c'est plus fort que moi. La maison est au coin de Wing Street et de Lake Avenue. Le tram électrique passe tout près. Le jour où le pasteur nous a emmenés voir les projections, j'ai reconnu l'endroit tout de suite, et je ne pouvais plus penser à autre chose. Il y a une grande enseigne noire avec des lettres d'or qui occupe toute la façade. Consultation particulière. Julia était à deux doigts de la mort. « Bravo, Julia !» soupira Charity, de toute la hauteur de sa pureté et de son assurance. Elle, Charity, avait un ami qui la respectait et qui avait toute sa confiance. Elle allait passer avec lui la journée du lendemain, le 4 juillet, jour de la déclaration d'indépendance à Nettleton. Qui avait le droit d'y redire? Et quel mal y avait-il à cela? Le malheur, c'était que des filles comme Julia ne savaient pas faire leur choix, ni tenir les mauvais sujets à leur place. Charity sauta de son lit et tendit les mains. « Est-ce fini? Donnez vite que j'essaye. » Elle se coiffa et se sourit à elle-même. Elle ne pensait plus à Julia. Le lendemain matin, elle se leva avec l'aube et, se penchant de sa fenêtre, vit la chaude clarté du soleil s'étendre derrière les collines et la lueur argentée qui précède une chaude journée tremblée sur les champs endormis. Son plan était fait avec grand soin. Elle avait annoncé qu'elle allait à une fête champêtre organisée par la Fraternité de l'Espoir de Hepburn, et comme personne à North Dormer n'avait dessein de s'aventurer aussi loin, il était peu probable que l'on vînt constater son absence. D'ailleurs, elle ne s'en souciait guère. Elle était résolue à affirmer son indépendance, et si elle s'abaissait à mentir au sujet de la fête de Hepburn, cette dissimulation était surtout due au secret instinct qui la faisait toujours trembler pour la sécurité de son bonheur. En quelque endroit qu'elle pût se trouver avec Lucius Harney, elle eût aimé qu'un impénétrable nuage les enveloppât. Il avait été convenu qu'elle irait à pied retrouver le jeune homme et un certain point de la route de Creston. Là, il l'aurait attendu avec une voiture pour la conduire à Hepburn, de façon à prendre le train de 9h30 pour Nettleton. Harney s'était tout d'abord montré peu enthousiaste au sujet de l'excursion. Il voulait bien emmener Charity à Nettleton, mais la pressait vivement de ne pas choisir le 4 juillet pour leur visite, à cause de la foule, du retard probable des trains et de la difficulté pour elle de rentrer avant la nuit. Mais voyant qu'elle tenait à son idée, il céda et feignit de se montrer tout joyeux à la pensée de cette escapade. Charity comprenait très bien que pour un jeune homme de la ville, la fête du 4 juillet à Nettleton devait être bien peu de chose. Mais pour elle, tout spectacle était chose nouvelle, et un grand désir la tenait de se promener dans les rues d'une ville, un jour de fête, au bras de son ami, et bousculée par des badauds endimanchés. La seule ombre au tableau venait du fait que les boutiques seraient fermées, mais elle espérait que Harney la ferait revenir un autre jour où elle serait ouverte. Elle sortit furtivement de la maison rouge et traversa la cuisine à pas de loup sans avoir été vue de Verena, penchée sur son fourneau. Pour ne pas attirer l'attention, elle avait enveloppé son beau chapeau dans du papier et jeté une longue écharpe grise appartenant à Mrs. Royal sur la robe de mousseline blanche entre deux confectionnés par les doigts habiles de Ali. Les 10 dollars que Mr. Royal lui avait donnés et une partie de ses petites économies à elle avaient été dépensées pour sa toilette, et quand Harney sauta de la voiture pour venir à sa rencontre, elle fut rémunérée par l'admiration lue dans ses yeux. Le gamin de Creston, le même qui lui avait apporté le billet de Harney, devait attendre avec la voiture à Hepburn jusqu'à leur retour. Il grimpa dans le petit buggy et se jucha au pied de Charity, les jambes pendantes entre les roues. Charity et Harney ne pouvaient se dire grand-chose à cause de sa présence, mais peu leur importait. Une longue journée d'été s'étendait devant eux, vaste comme les lointains bleus derrière les collines, et la jeune fille trouvait un plaisir subtil à la contrainte qui retardait l'heure des confidences. Lorsque, 2 semaines auparavant, Charity était venue à l'étang de Creston à l'appel de Harney, son cœur débordait à ce point d'humiliation et de colère que la première parole du jeune homme eût pu la blesser irrémédiablement. Mais il avait trouvé le mot juste, un mot de simple amitié. Sans faire allusion à ce qui s'était passé entre Mr. Royal et lui, il avait expliqué très naturellement son départ par la pénurie des moyens de transport à North Dormer et par le fait que Creston River se trouvait être un centre d'excursion plus commode. Il avait loué à la semaine un buggy appartenant au père du gamin, propriétaire d'une remise qui desservait quelques mornes pensions disséminées sur les bords de Creston Lake, et il dit à Charity qu'il ne pouvait pas, se trouvant dans le voisinage, renoncer au plaisir de continuer à la voir le plus souvent possible. Lorsqu'ils prirent congé l'un de l'autre, elle avait promis de continuer à être son guide dans les excursions qu'il projetait. De fait, il avait découvert, à distance possible, un certain nombre d'habitations dignes d'intérêt. Et pendant la quinzaine qui suivit, il parcourut le pays dans tous les sens en bon camarade. Dans la plupart des amourettes entre jeunes filles et gars du village, les baisers suppléaient le plus souvent au défaut de conversation. Mais sauf au moment de leur retour de la maison brune, lorsqu'il la tenait toute bouleversée dans ses bras, Harney n'avait jamais cherché à la surprendre d'une caresse soudaine. Il semblait que son désir fût comblé à respirer la présence de la jeune fille comme celle d'une fleur. Mais le plaisir qu'il prenait à être avec elle, et le sens qu'il avait de sa jeunesse et de sa grâce, brillaient perpétuellement dans ses yeux et adoucissaient les inflexions de sa voix. Elle s'en rendait compte et considérait sa réserve comme le respect dû à une jeune fille bien élevée. L'allure rapide du bon trotteur attelé au buggy créait autour d'eux un courant d'air frais. Mais quand ils atteignirent Hepburn, ils se trouvèrent tout à coup oppressés de la lourde chaleur. Le quai de la gare était noir de monde. Charity et Harney se réfugièrent dans la salle d'attente, mondés aussi d'une foule qu'alanguissait déjà la chaleur et la longue attente des trains en retard. Des mères étaient aux prises avec des nourrissons gênants ou essayaient d'arracher leurs aînés à la fascination de la voix. Des jeunes filles avec leurs amis ricanaient et se bousculaient, se passant des bonbons dans des sacs poisseux, tandis que les pères de famille, le col défait et luisant de sueur, portaient de lourds rejetons tantôt sur un bras, tantôt sur l'autre, tout en quêtant d'un œil inquiet les représentants dispersés de leur famille. À la fin, le train arriva et la foule s'y engouffra. Harney hissa Charity dans la première voiture et s'étant emparé de haute lutte d'une banquette à 2 places, ils s'y installèrent dans un heureux isolement, tandis que le train les emportait à travers de grasses prairies semées de bouquets d'arbres. La brume du matin était devenue une sorte de vibration claire, répandue sur toute chose, pareille aux moires qui agitent l'air autour d'une flamme. Et l'opulent paysage en paraissait comme accablé de langueur. Mais pour Charity, la chaleur était un stimulant, enveloppant le monde entier dans la flamme dont brûlait son cœur. De temps en temps, une secousse du train la jetait contre Harney, dont le bras la frôlait à travers la fine mousseline de sa robe. Elle se redressait, leurs yeux se rencontraient, et le souffle brûlant du jour semblait les confondre en un seul être. Le train entra en tonnerre dans la gare de Nettleton. Le flot des voyageurs emporta le couple, et ils se trouvèrent sur une place poudreuse, encombrée de fiacres et de tapissières à rideaux, traînées par de maigres haridelles, couvertes de filets frangés pour les préserver des mouches, et balançant tristement leurs longues têtes résignées. Une horde de cochers braillait « À l'hôtel de l'Aigle, à l'hôtel Washington, par ici pour le lac, en voiture pour Greytop. » Et leurs appels bruyants se mêlaient aux détonations des pétards et des mortiers et aux stridences d'une fanfare de pompiers essayant de jouer la veuve joyeuse tandis qu'on les entassait dans un immense omnibus pavoisé. Les auberges qui entouraient la place étaient également pavoisées et enguirlandées de lanternes en papier. Harney et Charity gagnèrent la grande rue. Au-dessus de leur tête, les fils de fer innombrables tendus sur de grands poteaux en ciment semblaient vibrer et bourdonner dans la chaleur et le long des hautes façades de briques et de granit, la double ligne de drapeaux et de lanternes allait rejoindre les arbres du parc à l'extrémité de la perspective. Ce chatoiement de couleurs, ce tohu-bohu de fêtes populaires, semblait transformer Nettleton en grande ville. Charity ne pouvait croire que Springfield, ou même Boston, eussent quelque chose de plus beau à montrer. Il se demandait si, à ce moment même, Annabelle Balch, au bras d'un jeune homme aussi élégant que harnais, cheminait dans un décor aussi merveilleux que celui qui s'offrait à ses yeux. « Où voulez-vous que nous allions d'abord ?» demanda harnais. Mais comme elle tournait vers lui le regard vague de ses yeux ravis, il devina la réponse et dit « Nous faisons un tour dans les rues, n'est-ce pas ?» Le trottoir regorgeait de monde. Ils y virent leurs compagnons de voyage, mêlés à d'autres voyageurs venus d'autres directions, à la population de Nettleton, et aux ouvriers des filatures qui bordent le Creston. Les boutiques étaient fermées, mais on l'aurait à peine remarqué, si nombreuses étaient les portes vitrées ouvertes sur les cabarets, les restaurants, les pharmacies avec des fontaines de soda water glacées fonctionnant à jet continu, les étalages de fruitiers et de confiseurs, où s'amoncelaient des gâteaux aux fraises, des bonbons à la noix de coco, des plateaux couverts de boîtes de caramel et de boules de gomme, des paniers pleins de fraises, des grandes grappes de bananes. Devant certaines boutiques étaient dressés des tréteaux où s'empilaient des oranges et des pommes, des poires et des corbeilles de framboises toutes sucrées de poussière. L'air était saturé d'une odeur de fruits trop mûrs, de café, de bière et de pommes de terre frites. Les boutiques closes laissaient deviner à travers les vitres de leur devanture quelque chose de leur trésor caché. Des flots de soie et de rubans déferlaient contre des berges de mousse, d'où émergeaient, comme des orchidées tropicales, des chapeaux enrubannés. Les rangées de gramophones ouvraient leurs gueules géantes à côté de bicyclettes luisantes qui semblaient attendre le signal d'un starter invisible. Des fantaisies de toutes sortes, menus objets en cuir, en carton-pâte, en celluloïde, s'offraient inutiles et tentantes. Dans une vaste baie, qui semblait prête à s'ouvrir pour les laisser se mêler à la foule, d'élégantes dames en cire, vêtues de robes provocantes, et qu'on ne nous dit absorbées dans un papotage de salon, montraient du doigt, d'un geste hardi et pudique à la fois, leurs corsets roses et leurs combinaisons diaphanes. Tout à coup, Harnais s'aperçut que sa montre s'était arrêtée et entra dans la boutique d'un petit bijoutier. Pendant qu'on examinait la montre, Charity se pencha sur une vitrine où brillaient, posées comme autant d'étoiles sur un fond de velours bleu sombre, des broches, des bagues et des épingles. Elle n'avait jamais vu de bijoux d'aussi près. Elle brûlait d'envie de lever la glace, de plonger sa main parmi ses trésors scintillants. Mais la montre de harnais était déjà réparée, et la main du jeune homme, se posant sur le bras de Charity, la tira de son rêve. « Qu'est-ce qui vous plaît le mieux là-dedans » demanda-t-il en se penchant à côté d'elle sur la vitrine. « Je ne sais pas. » Elle montra une branche de muguet en or avec des fleurs en émail. « Ne trouvez-vous pas que cette branche bleue est plus jolie ? » suggéra-t-il. Et tout de suite, le muguet parut une chose bien insignifiante, comparée à la petite pierre ronde, bleue comme un lac de montagne, cerclée de points brillants. Charity rougit de son manque de goût. « La branche est si belle que je n'ose pas même la regarder. » Ils rient et tous deux sortirent de la boutique, mais quelques pas plus loin, Harnais s'écria « Tiens, j'ai oublié quelque chose !» Et il la quitta brusquement. Charity, s'arrêtant devant une boutique de gramophone, contempla les immenses gueules roses jusqu'au moment où il la rejoignit et glissa son bras sous le sien. « Vous n'aurez plus peur maintenant de regarder la broche bleue, car elle est à vous » dit-il. Et elle sentit qu'il lui glissait un petit écrin dans la main. Son cœur bondit de joie, mais elle n'eut qu'un balbutiement timide. Elle s'était souvenue tout d'un coup des jeunes filles qu'elle avait entendues discuter ensemble le meilleur moyen de se faire offrir des cadeaux par leurs amis, et elle eut peur qu'Harnais puisse imaginer qu'elle s'était penchée sur la vitrine du bijoutier dans l'espoir de se faire donner un présent. Un peu plus loin, ils franchirent une porte vitrée ouvrant sur un grand hall très clair, d'où partait un escalier monumental à rampe d'acajou. Dans chaque coin du hall, il y avait des comptoirs grillagés de cuivre où s'étalaient des cigares, des bonbons, des journaux et des magazines. « Il faut que nous songions à déjeuner, » dit Harnais. Il conduisit Charity dans un cabinet de toilette revêtu de céramique luisante et tout orné de glace, où des jeunes filles en toilette tapageuse se poudraient et redressaient leurs immenses chapeaux en panaché. Quand elles furent parties, Charity osa enfin plonger son visage brûlant dans l'une des cuvettes de marbre et rajuster son chapeau, dont le bord avait été un peu déformé par les ombrelles des promeneurs. Les toilettes étalées aux vitrines des magasins de nouveautés l'avaient tellement impressionnée qu'elle osait à peine se regarder dans le miroir. Mais quand elle leva enfin les yeux, l'éclat de son visage sous son chapeau doublé de cerises et la ligne de ses jeunes épaules à travers la mousseline légère lui rendirent tout son courage. Elle sortit la broche bleue du petit écrin, la fixa sur son corsage et se dirigea vers le restaurant, la tête haute, comme si elle avait de tout temps foulé les dalles de marbre des grands hôtels en compagnie de jeunes gens non moins élégants que harnais. Elle se sentit un peu intimidée à la vue des serveuses en noir, aux physionomies hautaines surmontées de petits bonnets coquets qui circulaient, dédaigneuses, entre les tables serrées. « On ne pourra pas vous servir avant 1 heure, » fit l'une d'elles en passant. Harnais s'arrêta, jetant autour de la salle encombrée un regard hésitant. « Décidément, nous ne pourrons pas rester ici à étouffer, » déclara-t-il. « Essayons ailleurs. » Et avec un sentiment de soulagement, Charity le suivit hors de ce lieu de splendeur inhospitalière. Après une marche fatigante et plusieurs tentatives infructueuses, ils découvrirent enfin dans une rue retirée un petit caboulot pompeusement intitulé « Restaurant français ». Sous une étoile tendue, quelques tables étaient dressées en plein air entre des plates-bandes de zinnia et de pétunia. Un gros orme les ombrageait, se penchant par-dessus la clôture d'un jardin voisin. Ils déjeunèrent là de mets de goût étrange, tandis que Harnais, renversé dans une chaise à bascule, grillait des cigarettes et versait dans le verre de Charity un vin couleur de paille, le même, assura-t-il, que celui qui se boit en France dans les joyeux vide-bouteilles du même genre. Charity trouva le vin moins bon que le sirop de Sarsaparilla, mais l'en but une gorgée pour le plaisir d'imiter Harnais et de s'imaginer qu'elle voyageait avec lui en pays lointain. L'illusion s'augmenta du fait qu'ils étaient servis par une femme robuste, aux cheveux noirs bien lissés, au rire aimable, qui échangeait avec Harnais des mots inintelligibles, ravi de voir qu'il pouvait lui répondre. Aux autres tables, des gens du peuple, probablement des ouvriers d'usine, parlaient entre eux la même langue et jetaient sur Harnais et Charity des regards bienveillants. Un caniche miteux, aux petits yeux roses, furetait sous les tables et quémandait des morceaux de sucre en se dressant sur son séant de façon burlesque. Harnais ne paraissait nullement pressé de quitter le restaurant. Bien que l'endroit fût chaud, il était du moins ombragé et tranquille, et il ne leur arrivait qu'un écho lointain du bruit des tramways, des hurlements des trompes d'automobiles, du vacarme des orgues mécaniques, des cris rauques, des mégaphones, et de la grande rumeur de la foule qui grossissait sans cesse. Le jeune homme, paresseusement allongé, fumait un cigare, flattait le caniche de la main et remuait le sucre dans le café que la patronne leur avait versé dans des tasses ébrégées. « C'est du bon, vous savez, » dit-il, corrigeant d'un mot toutes les idées antérieures de Charity quant aux qualités requises pour ce breuvage. Il n'avait pas encore fait de projet pour le reste de la journée, et quand Harnais demanda à Charity où elle désirait aller, elle ne sut pas comment choisir parmi tant d'alternatives séduisantes. Enfin, elle avoua qu'elle désirait vivement voir le lac, qu'elle n'avait pu visiter lors de son premier voyage à Nettleton. Et quand Harnais répondit « Oh, nous avons le temps. Ce sera plus agréable un peu plus tard. » Elle proposa d'aller au cinéma, comme le jour de l'excursion organisée par Mr. Miles. Elle crut deviner que l'idée ne souriait pas à Harnais, sans doute à cause de la chaleur. Mais il s'essuya le front avec son mouchoir fin et dit gaiement « Eh bien, va pour le cinéma. » Avec une dernière caresse au chien, ils prirent congé du petit restaurant. La matinée organisée par Mr. Miles avait lieu dans la salle de l'association des jeunes gens chrétiens, local austère aux murs blancs unis, avec un grand orgue surmontant l'estrade. Mais tout autre était l'endroit où lui s'endort, où Harnais conduisit Charity. Entre deux rangs d'immenses affiches, représentant des gredins en habit de soirée, poignardés par de blondes beautés, ils gagnèrent un théâtre aux amples draperies de velours et bondés jusqu'aux dernières limites de la compressibilité humaine. Alors, lorsque les rideaux de la scène s'écartèrent, un éblouissement lumineux remplit le cerveau de la jeune fille. Tout ce que le monde pouvait avoir à montrer d'étrange et de merveilleux sembla passer devant elle dans un chaos de palmiers et de minarets, de charges de cavalerie, de lions rugissants, de policemen comiques, d'assassins aux masques terribles. La foule qui l'entourait, les centaines de visages blêmes de chaleur, jeunes, vieux ou d'âge mûri, mais tous en proie à la même émotion contagieuse, vint à faire partie du spectacle et à danser sur l'écran avec les figures des tableaux. Bientôt, la pensée de la rafraîchissante course en tramway jusqu'au lac devint irrésistible. Charité et Harney sortirent du théâtre en jouant des coudes, et comme ils se tenaient sur le trottoir brûlant, Harney tout pâli par la chaleur et Charité elle-même un peu déprimée, ils virent arriver un jeune homme au volant d'une petite automobile électrique portant sur une bande de calicot $10 pour le tour du lac. Avant que Charité eût compris ce qui se passait, Harney avait arrêté la voiturette. « Voulez-vous que je vous conduise au match de baseball et vous ramène ensuite au lac ?»« Ça ne coûte que $15 en plus, » proposa le chauffeur avec un sourire engageant. Mais Charity dit vivement, « J'aime mieux aller tout droit au lac. » La rue était si encombrée qu'on n'avançait qu'avec peine. Mais l'orgueil d'être assise dans l'automobile qui se frayait péniblement un chemin entre les tapissières et les tramways bondés fit que les moments parurent trop courts à Charity. « Nous approchons de l'avenue du lac. » cria le jeune homme par-dessus son épaule. Et comme il s'arrêtait pour laisser passer une tapissière où s'étaient entassés une trentaine de chevaliers de Pythias, en chapeau à plumes avec des épées, Charité leva les yeux et vit au coin de la rue une maison de briques avec une grande enseigne noire et or. Docteur Merkel, consultation privée à toute heure. Tout à coup, elle se souvint des paroles de Holly House. La maison était au coin de Wing Street et de Lake Avenue. Il y a une grande enseigne noire sur la façade. Et malgré la chaleur et son ravissement, elle se sentit prise d'un frisson glacé.